j'ai combattu pour toi jusqu'à être martyr. Allah lui dit, tu mens. Mais tu as combattu pour qu'il soit dit courageux, héros, fort. Et cela a été dit. Après ta mort, dans cette vie, les gens ont parlé. Et ils ont dit de toi ce que tu voulais entendre. Puis, l'ordre sera donné aux anges de le traîner sur son ventre et son visage, le devant, la face de son corps. Puis, il sera jeté dans le feu de l'enfer. Puis vient l'autre personne. Celui-là est un homme qui a appris la science, le savoir, et qui a récité le Coran. Allah tabaraka wa ta'ala lui rappelle ses bienfaits. Ne t'ai-je pas donné le savoir, le Coran, et l'homme reconnaît les bienfaits d'Allah. Allah lui dit, qu'as-tu fait avec ces bienfaits? Il dira, j'ai appris le savoir et je l'ai enseigné et j'ai récité le Coran pour toi. Allah lui dit, tu mens. Tu n'as appris le savoir que pour qu'il soit dit de toi savant. Et tu as récité le Coran que pour qu'il soit dit de toi récitateur. Celui qui psalmodie. Et cela a été dit. Ce que tu as recherché, tu l'as eu dans ce bas monde. De ton vivant même, il se peut que tu aies entendu les gens dire de toi, c'est un savant, c'est un récitateur de Coran, et ainsi de suite. Puis l'ordre sera donné aux anges de le prendre et de le traîner sur son ventre, son visage, pour au final être jeté dans le feu de l'enfer. Puis vient la troisième personne et un homme à qui Allah a fait largesse. Il lui a donné toutes sortes de richesses et Allah lui rappelle ses bienfaits et l'homme reconnaît les bienfaits d'Allah. Allah lui dit, qu'as-tu fait de ces bienfaits? Il répondra, je n'ai pas laissé un moyen de dépenser ces richesses sans l'avoir fait. Je l'ai dépensé dans tous les sentiers, dans tous les lieux, les endroits, où là où il plaît à Allah Azza wa Jal que cet argent soit dépensé. Allah lui dit, tu mens, tu as fait cela pour qu'il soit dit généreux. Pour qu'il soit dit mécène, quelqu'un qui dépense pour Allah. Mais ceci n'est qu'un mensonge, tu n'as fait cela que pour que ces choses soient dites de toi et l'ordre sera donné aux anges qui le traîneront sur son ventre et son visage, puis ils le jetteront au final dans le feu de l'enfer. Le hadith rapporté par Muslim, Ahmed et Al-Nasa'i. Le rapporteur du hadith, Abu Hurayra, radiyallahu anhu, rawi le hadith, taqaddamat tarjamatuhu, fi sharh le hadith, raqam 11. Dans le hadith numéro 11, on a parlé de ce compagnon, Abu Hurayra, radiyallahu anhu. Al-mufradat, le vocabulaire. Yuqda alayhi yuhakam wa yuhasab. Le fait d'être jugé. Istushhida. نال الشهادة فيما يبدو للناس أنه قتل في سبيل الله. الاستشهاد c'est de tomber martyr. الشهيد c'est le martyr. C'est-à-dire qu'il a gagné le martyr dans ce qui apparaît aux gens. Comme quoi il est mort, il a été tué dans le sentier d'Allah. Et c'est pour cela que Ahlus Sunnah, dans la croyance d'Ahlus Sunnah, on ne témoigne pour personne qu'il est martyr. Sauf ceux, les personnes précises, pour qui Allah et son prophète ont témoigné qu'ils sont martyrs. Sinon, on reste dans la généralité. Celui qui meurt dans telle circonstance, dans telle condition, il est martyr. Mais un tel, précisément, Est-ce qu'il est martyr? Allahu a'lam. On espère pour lui le martyr. Incha'Allah, il est martyr. Mais Allahu a'lam. Pourquoi? Parce qu'il y a un domaine que nous, on ne peut pas atteindre. On ne peut pas connaître. C'est la réalité des œuvres de la personne. Et là, on a un exemple. Est-ce qu'il l'a fait pour Allah ou pas? Ça, il n'y a qu'Allah qui le sait. Nous, on ne sait pas. Donc, c'est pour cela qu'Ahl Sunna, ils ne disent pas un tel le martyr. Ils disent un tel dont on espère qu'il soit martyr, mais pas le martyr. Contrairement aux sectes égarées qui, eux, ne respectent pas les enseignements prophétiques et ne prêtent pas attention au fondement et à la croyance de Ahl Sunna. C'est pour cela que vous les voyez dire le mot martyr à tout va. À tout va, ils le prononcent, et même pour des personnes qui ne méritent même pas ce terme-là. Jali Shuja'a, c'est le courageux. Suhiba Jurra Mabtouhan ala batnihi wa wajhihi bi'unf wa shidda wa ihanatan lahu. Donc Suhiba, traîné par son ventre et son visage, donc le devant de son corps, donc il est traîné par terre avec force. Hein? Les anges le traînent avec force, hein, comme humiliation pour cette personne. Ulqiya qudhifa wa rumiya fi an-nar, c'est le fait d'être jeté dans le feu. Asnaf al-mal anwa'u, les sortes, les différentes sortes de richesses. Jawad sahi karim, donc c'est quelqu'un qui est généreux, qui dépense en bien. Al-ma'na al-ijmali, le sens global général du hadith. إن في مصير هؤلاء الثلاثة الأشقياء لعبرة وذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. Lorsqu'on voit la finalité de ces gens, de ces trois catégories de personnes malheureuses, vu la fin qu'ils ont eue, là-dedans, il y a une exhortation. Et il y a un rappel pour toute personne dotée d'un cœur et qui prête son oreille pour écouter l'exhortation et le rappel tout en étant témoin. Ma baluhum wa ma alladhi dahahum. Quelle est la réalité de ces gens? Qu'est-ce qui les a amenés à cette situation? Pourquoi ils se sont retrouvés à ce résultat? Comment se fait-il? Lorsqu'on voit les œuvres, elles sont bonnes. L'un a combattu dans le sentier d'Allah. L'autre, il a appris le savoir et le Coran et il l'a enseigné. Et l'autre, il a dépensé son argent pour le bien des gens, dans la bienfaisance. Donc les œuvres en elles-mêmes, elles sont bonnes. Ce ne sont pas des œuvres qui ne sont pas légiférées. Ce sont des œuvres qui sont légiférées. Et au regard des gens, ce sont des bonnes personnes qui sont censées, Inch'Allah, être des personnes vouées au paradis. Mais là, dans ce hadith, on nous enseigne comme quoi ces personnes-là sont les premiers qu'on va juger et les premiers qu'on jettera dans le feu de l'enfer. Donc, là, on doit vérifier qu'est-ce qui les a amenés à ce résultat. Alaysa al-jihadu fi sabilillahi afdalul a'mal, alaysa huwa dhirwatu sinamil islam. أليس للمجاهد في سبيل الله مئة درجة ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض أليس الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون ويسرحون في الجنة حيث شاءوا. N'est-ce pas que le combat dans le sentier d'Allah est parmi les meilleures œuvres et la meilleure œuvre? Est-ce que n'est-ce pas que le combat dans le sentier d'Allah est la sommité de l'islam? N'est-ce pas que celui qui combat dans le sentier d'Allah, il a 100 degrés auprès d'Allah? Entre 2 degrés, il y a la distance qu'il y a entre le ciel et la terre. N'est-ce pas que les martyrs, ils sont vivants auprès de leur Seigneur qui leur donne leur subsistance et qu'ils se déplacent dans le paradis comme ils veulent? Les mérites de ceux qui tombent martyrs, subhanallah, elles sont élevées, énormes. Mais avec cela, cette personne, elle se retrouve dans le feu de l'enfer. Alaysa al-ulama warathatul anbiya? Alam yaqul Allah yarfa' Allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat? N'est-ce pas que les savants sont les héritiers des prophètes? Allah n'a-t-il pas dit, dans le sens du verset, Allah élèvera ceux qui ont cru parmi vous et ceux qui sont dotés de savoir de plusieurs degrés? Donc, voilà la place des savants, de ceux qui ont le savoir, et on voit que ce savant-là, il se retrouve dans le feu de l'enfer. وَهَذَا الْمُتَصَدِّقِ الْمُحْسِنِ الَّذِي لَا يَتْرُكُ سَبِيلًا يُحِبُّهَا اللَّهِ إلا أنفق فيها أليس الله يثيب على الحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة خصوصا إذا كان البذل في سبيل الله ألم يحث ربنا على البذل والإنفاق في سبيله cette personne qui dépense, qui est généreuse, bienfaisant, ne laissant aucun chemin pour dépenser dans le sentier d'Allah sans y dépenser. N'est-ce pas qu'Allah récompense celui qui dépense dans son sentier et que la récompense est multipliée par 10 jusqu'à 700 fois, jusqu'à bien plus qu'Allah donne à qui il veut parmi ses serviteurs, surtout lorsque cela est dépensé dans son sentier? N'est-ce pas qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, nous enjoint, nous encourage à dépenser dans son sentier? فَمَنْ الَّذِي أَصَابَهُمْ وَجَعَلَهُمْ أَوَّلَ مَنْ يُقْضَى عَلَيْهِ وَيُقْذَفْ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمْ أعاذنا الله من هذا المصير. Alors, qu'est-ce qui est arrivé à ces personnes pour qu'ils soient les premiers à être jugés et à être jetés dans le feu de l'enfer? Qu'Allah nous en préserve et nous préserve de terminer ainsi. لقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب مصيرهم هذا. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a bien démontré, clarifié, expliqué les causes ou la cause qui les a amenés à cette finalité. Wa huwa annahum lam yukhlisu lillahi fi hadhihi al-a'mal allati tabdu lin-nas annaha 'azima. Voilà la grande raison. Voilà la cause de leur perte. La cause de leur entrée dans le feu de l'enfer et d'être punis par Allah Azza wa Jal, c'est qu'ils n'ont pas été sincères dans ces œuvres qui apparaissent aux gens comme grandioses et énormes. Donc, le problème, les œuvres, elles sont là, mais il n'y a pas la sincérité. Les œuvres n'ont pas été accomplies pour Allah Azza wa Jal. وَلَمْ يُرِيدُ بِهَا وَجْهَ اللَّهِ. Et en agissant, en œuvrant, ils n'ont pas recherché la face d'Allah Azza wa Jal. C'est pour cela que يوم القيامة, ils n'auront rien, si ce n'est la punition. Parce qu'ils n'ont jamais recherché la face d'Allah. Ce qu'ils ont voulu, ils l'ont eu. C'était des choses mondaines, des reconnaissances mondaines. Mais auprès d'Allah, ils n'attendaient rien. Donc ne soyez pas étonnés que le jour du jugement dernier, il n'y a pas de récompense pour eux. Car eux-mêmes, au fond d'eux, n'ont jamais recherché ces récompenses. Mais plutôt, ils ont cherché des récompenses qui sont éphémères. Et c'est les compliments, les paroles de ce qu'il va dire, l'image qu'ils vont laisser auprès des gens. بل كانت مقاصدهم سيئة وأغراضهم فاسدة هو حب الثناء من الناس والمدح والإطراء. mais leur but, leur objectif dans ces œuvres accomplies, elles étaient mauvaises. Le but recherché, ils étaient mauvais. C'est l'amour des éloges des gens. Qu'on parle en eux en bien, qu'on pense d'eux en bien et qu'on leur fasse des éloges et même plus qu'on exagère dans leurs éloges. Al-Itra, c'est l'exagération dans les éloges. Comme dans le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, où il nous interdit d'exagérer dans ses éloges. Lui, alayhi salatu wassalam, qui mérite les éloges, mais il nous met en garde. Attention, lorsqu'il vous arrive de faire mes éloges, n'exagérez pas. N'outrepassez pas les limites. Et il dit, alayhi salatu wassalam, « La tutruni kama atratin nasara Isa ibn Maryam. » N'exagérez pas dans les éloges comme l'ont fait les chrétiens avec Jésus, fils de Marie. Je ne suis qu'un serviteur. Alors dites, le serviteur d'Allah et son messager. L'adorateur d'Allah et son messager. Les chrétiens, cet amour qu'ils avaient pour Jésus les a amenés à en faire une divinité. Ils ont exagéré dans l'amour et dans les éloges jusqu'à dire qu'il est le Dieu, jusqu'à dire qu'il est le Fils de Dieu, jusqu'à l'invoquer en dehors d'Allah. Donc, l'amour pour les personnes qui le méritent, c'est demander, c'est légiférer, mais cet amour ne doit pas être exagéré. Et les problèmes des communautés, une des grandes causes qui les a amenés à l'association et au polythéisme, c'est l'exagération dans l'amour. Lorsque cet amour n'est pas paramétré, comme l'islam nous l'enseigne, on tombe dans des gravités, et quelle gravité pire que de tomber dans le polythéisme. Comme ce qui est arrivé avec le peuple de Nuh, alayhi salam, ces cinq hommes pieux, vertueux, hein, ils avaient de la valeur, et une place auprès des gens. Une fois mort, Shaitan en a profité et il leur a dit, faites des statues à leur effigie. Au final, les générations vont passer jusqu'à ce que la génération vienne sans connaissance, sans savoir. Et Shaitan, cela, il les fait tomber dans le polythéisme. Wal'iyadhu billah. Les chrétiens, ils l'ont fait avec Jésus. Les juifs, ils l'ont fait avec l'Uzair. Uzair qui est un homme pieux parmi les enfants d'Israël. Et cet homme, il a été considéré par les juifs comme étant le fils d'Allah. Azzawajal. Les chiites, ils prétendent avoir de l'amour pour la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils en ont fait des divinités en dehors d'Allah. Et ils les invoquent en dehors d'Allah. Azzawajal. Et ils se cachent derrière. Nous, on aime la famille du prophète. Nous, on est plus proche et plus en droit de la famille du prophète. Nous, tout ce qu'on fait, c'est pour la famille du prophète. Vous, vous ne connaissez pas la famille du prophète. Vous ne connaissez pas la place de la famille du prophète. Et ainsi de suite, pour au final, en faire des divinités en dehors d'Allah. Azza wa Jal. Les soufis sont connus pour leur exagération dans leur maître de leur secte et confrérie. Et ils en arrivent même à les invoquer en dehors d'Allah, à leur donner des caractéristiques qui sont propres à Allah, Azza wa Jal. Et ils les adorent en dehors d'Allah, Azza wa Jal. Et vous verrez que leur religion, elle tourne toujours autour des gens, des créatures. Cet amour exagéré. Et pour se défendre, ils disent, vous qui nous contrez, vous qui n'êtes pas d'accord avec nous, vous n'aimez pas les saints, vous n'aimez pas les vertueux, vous n'aimez pas les gens du bien. Subhanallah. Pourquoi ? Pour comme ça, légitimer les actions désastreuses et graves qu'ils commettent. Donc ça, c'est une chose qui est connue depuis très longtemps, de se défendre de cette manière, qui est une défense qui n'a aucune place, hein, et qui n'est pas légiférée, mais c'est une imitation des gens du mal qui ont toujours répondu de la sorte. Hein. Quand les prophètes ils venaient avec des enseignements que les gens ne voulaient pas, ils disaient, nous on reste sur le même chemin, la même voie que nos ancêtres, que nos parents, et ce que tu nous ramènes est une chose nouvelle. Alors que le mal, ce mal qui est le polythéisme, c'est lui qui est nouveau. À la base, l'humain, il est monothéiste. L'humain, il est monothéiste. Le père de toute l'humanité, c'est Adam. Et Adam était monothéiste. C'est un prophète, alayhi salam. Adam et Hawa et les premiers humains sur terre étaient des monothéistes. À la base, il y avait le monothéisme. Le polythéisme n'est venu qu'après. Faut pas écouter ce qu'on vous fait, on essaie de vous faire croire que les gens avant, ils étaient polythéistes, puis des prophètes sont venus pour appeler les gens au monothéisme. Non. Allah a envoyé beaucoup de messagers lorsque le polythéisme est apparu, certes, mais à la base, l'humain, il était monothéiste. Et l'humain, à la base, lui, si on le laisse à lui-même, dans la saine nature, avant même qu'il soit corrompu, il est prédisposé au monothéisme. C'est faux de faire croire que, à la base, ils essaient de vous faire croire, on a fait des découvertes. Pour faire croire aux gens qu'il y a 3000 ans ou 5000 ans, il y avait un peuple, ils adoraient des divinités. Qu'avant, les gens, ils étaient polythéistes. On essaie de faire croire ça aux gens, mais ce n'est pas vrai. Les gens, à la base, il y a le polythéisme depuis très longtemps. Mais les gens, à la base, ils étaient monothéistes. Et le polythéisme, c'est la chose qui est venue après. Et c'est pour cela que les prophètes ont rappelé les gens à revenir à la source, hein, qui est le monothéisme, l'adoration d'Allah Azza wa Jal seul, sans rien lui associer. Comme a dit Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, ma bayna Adam wa Nuh ashratu qurun, kulluhum kanu ala l'islam. Entre Adam et Nuh, Noé, alayhim assalam, il s'est écoulé 10 siècles, 1000 ans. Tout le monde était sur l'islam. Il n'y avait pas d'autre religion. Ils étaient sur la saine nature et la religion établie par Allah Azza wa Jal. C'est dans le peuple de Nuh qu'a commencé pour la première fois l'adoration d'autre que Allah Azza wa Jal, le polythéisme. Et de ce fait, Nuh alayhi salam, il fut le premier messager, Awwal Rasoul. Donc pendant les 10 siècles, des péchés, il y en avait. L'humain, il pêche. Et c'est dans sa nature. Tout être humain est amené à pécher. Mais il n'y avait pas de polythéisme. Le polythéisme n'est venu qu'après. Donc, ces personnes, ils recherchaient quoi? Les éloges. Qu'on parle en eux en bien, ils laissent des traces, voilà. Mais ce n'était nullement la recherche de la satisfaction divine, de l'agrément divin, rechercher la face d'Allah Azza wa Jal et les récompenses auprès d'Allah Azza wa Jal. Donc on comprend de là que c'est très grave et très dangereux, hein, de montrer ses œuvres. Déjà, des gens qui ne montrent pas leurs œuvres, Allah seul sait si c'est fait pour lui ou pas. Subhanahu wa ta'ala. Que dire lorsque des gens essaient de montrer leurs œuvres, essaient de montrer aux gens qui ne sont pas au courant de leurs œuvres qu'ils ont fait telle œuvre. Il y a des gens, c'est un problème. Et surtout maintenant avec les réseaux sociaux et avec tout ce qu'on a comme matériel aujourd'hui, ça va que accentuer ce problème-là. Les gens sont même à la Mecque. Ils ne se passent pas de leur téléphone. Ils filment tout. Tout. La Kaaba, les gens. Il se filme lui-même, je ne sais pas comment ils appellent ça. Hein? Selfie. C'est ça, selfie. Voilà, selfie. Non, c'est une réalité ou pas? Voilà. Ils ne peuvent plus se passer. Alors, Allah musta'an. C'est-à-dire que même les ibadettes, elles n'ont plus leur côté sacré. Elles n'ont plus leur côté sacré, subhanallah. Même pendant les khutbah, les imams, ils arrêtent leur khutbah dans la mosquée du prophète, la mosquée sacrée, pour dire aux gens, arrêtez de filmer. C'est grave, le degré où l'on est arrivé, subhanallah. C'est grave. Les gens qui racontent, j'ai fait telle chose, personne ne lui a rien demandé. Il raconte. Il y a à craindre de sa sincérité. Elle peut être touchée. Il peut faire tomber son œuvre. Elle sera vaine, et ainsi de suite. Donc, que les gens craignent Allah, Azza wa Jal. Lorsqu'on voit ces personnes-là, qui sont les premiers combustibles du feu de l'enfer, les premiers à être jugés pour être jetés dans le feu de l'enfer, il faut faire attention. Que les gens ne soient pas au courant, il y a où le problème? Tu l'as fait pour Allah. C'est une œuvre que tu as fait pour Allah Azza wa Jal. Et il n'y a pas un contexte compréhensible qui t'amène à raconter pourquoi tu parles. Garde tes œuvres, subhanallah. Garde tes œuvres auprès d'Allah Azza wa Jal. Regardez ces gens-là qui ont été bloqués dans une grotte. Chacun a dit quoi? Il y en a un, il a dit quoi? Que chacun se rappelle une œuvre qu'il a fait pour Allah. Cherchez dans les œuvres que vous avez fait pour Allah, hein, pour le rappeler à Allah Azza wa Jal, que si vraiment elle a été faite pour lui, qu'il les aide à sortir de ce de ce gouffre dans lequel ils sont, car là, un rocher est tombé et a fermé l'entrée de la grotte, subhanallah. Et ils ont été sincères. Et la grotte, le rocher a bougé et ils ont pu sortir de la grotte, subhanallah. Donc, il faut faire attention. Les gens là qui, moi j'ai fait, moi j'ai pas fait, et toi qu'est-ce, subhanallah, gardez vos œuvres pour vous, ne les perdez pas. On les perd facilement. Faites attention, parce que Yom al-Qiyamah, même une petite œuvre minime à nos yeux, combien pleurerait pour l'avoir, n'est-ce pas? Et chaque personne, elle demanderait s'il pouvait revenir, même un laps de temps sur terre, pour pouvoir se racheter. Donc les œuvres, ne les perdez pas. Et il y a plein de façons de les perdre, hein, les œuvres. Faire du mal aux gens, faire de la médisance, voler les gens, et ainsi de suite. Yom al-Qiyamah, n'est-ce pas qu'il y a le jugement? Un jugement que personne ne peut échapper. Donc, tu as des bonnes œuvres, mais lui, il faut le payer. Tu lui as fait du mal sur terre. Et il demande à Allah, tabaraka wa ta'ala, Allah le juste, qui va trancher entre les gens, et tu perds tes œuvres. Tu n'as plus d'œuvres. C'est pas, et ce n'est pas encore fini pour toi. Tu n'as pas encore payé. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, cet homme-là, à qui tu as fait du mal, il prend de ses péchés et il te les met sur ton dos. Vous imaginez le fardeau que c'est. Donc la personne doit faire attention. Ne perdez pas vos œuvres. Ne cherchez pas à qu'on entende, ne cherche pas à entendre parler de toi en bien. Ça arrive, tu ne l'as pas cherché. Et ne cherche pas aussi à être vu. À être vu, j'étais là, j'ai fait tel. Non. Ne cherchez pas cela. Et donc la sincérité et l'œuvre qui est acceptée d'Allah tabaraka wa ta'ala, qui est agréée par Allah azza wa jal, il lui faut deux conditions, deux grandes conditions. Quelles sont ces conditions? La première, c'est celle-là. Et ces gens-là ne l'ont pas. La sincérité. Que ton œuvre, tu l'accomplis pour Allah azza wa jal. Et personne n'est associé à Allah. Personne. Donc tu le fais pour Allah azza wa jal. Le grand shirk, c'est lorsque tu fais une action de base pour autre que Allah. Le petit shirk qu'on appelle l'ostentation, al-riya, c'est de vrai pour Allah, mais en plein milieu de ton œuvre, tu améliores, tu perfectionnes ton œuvre pour les gens qui te regardent. Donc, le premier, il te fait perdre toutes tes œuvres. Le second, il te fait perdre ton œuvre. Il faut faire attention. Donc, première condition, j'œuvre pour Allah Azza wa Jal. J'accomplis et je pratique la première partie de l'attestation de foi. La ilaha illallah. Nul n'est adoré en vérité si ce n'est Allah. Lui seul est digne d'être adoré, mérite l'adoration. Donc, j'œuvre pour lui seul, sans rien lui associer, dans toutes les œuvres que j'accomplis. Deuxième condition, c'est la suite de l'attestation de la foi, c'est l'attestation que Mohammed, il est le messager d'Allah. Et l'œuvre que j'accomplis, elle entre dans l'enseignement prophétique. Elle est en conformité avec les enseignements prophétiques. J'œuvre comme me l'a enseigné le prophète alayhi salatu wassalam, comme le prophète me l'a demandé. Je n'invente pas des œuvres de moi-même. J'accomplis ce que le prophète nous a enseigné alayhi salatu wassalam. Donc les deux grandes conditions, c'est, on les retrouve dans la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alayhi wassalam. Donc je n'adore que Allah seul, sans rien lui associer, et je ne l'adore que comme il a légiféré. Donc, loin de toute forme de polythéisme et loin de toute forme d'innovation. Donc, là, les œuvres qu'on a vues dans le hadith, elles existent. Elles sont enseignées par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Elles sont en conformité avec la tradition prophétique. Seulement, la première condition, elle n'y est pas. Ils ne l'ont pas fait sincèrement pour Allah Azza wa Jal. Donc, au final, toute personne qui œuvre, il n'y a que quatre catégories de jeunes, de gens. Quatre catégories. Comme il dit Ibn al-Qayyim, rahimahullah. Et dans ces quatre catégories, il n'y en a qu'une qui est acceptée d'Allah. Les trois autres sont rejetées. Il y a celui qui œuvre pour Allah et en conformité avec la sunnah. Celui-là, son œuvre, elle est acceptée. Il y a celui qui œuvre pour Allah, mais son œuvre est une innovation. Elle n'est pas en conformité avec la sunnah. Son œuvre est rejetée. Il y a celui dont l'œuvre, elle est en conformité avec la sunnah, mais il n'œuvre pas pour Allah. Son œuvre, elle est rejetée. Et le quatrième, celui qui fait une œuvre, elle n'est pas faite pour Allah, et elle est en contradiction avec la sunnah du prophète, c'est de l'innovation. Et celui-là, en premier lieu, elle est rejetée. Donc, les gens qui disent, mais moi j'ai fait ça pour Allah, ça ne suffit pas. Ton œuvre, elle est en conformité ou pas? Ton œuvre, elle est en conformité ou pas? La personne qui n'agit pas sincèrement, mais il dit, mais ça existe, il y a des preuves qui disent que cette œuvre, elle est légiférée, mais tu ne le fais pas pour Allah. Donc, il faut ces deux conditions pour que l'œuvre, elle soit agréée d'Allah, Azza wa Jal. Donc, toujours, n'importe quelle œuvre, vous vérifiez. Vous posez la question même au fond de vous-même. D'accord? Que je dois œuvrer pour Allah et que mon œuvre elle est en conformité avec la sunnah du prophète alayhi salatu wassalam. فَلَمْ يُرِدْ ذَلِكَ الْمُجَاهِدْ وَجْهَ اللَّهِ وَلَا إِعْلَاءَ كَلِمَةِ اللَّهِ. Donc ce combattant n'a jamais recherché la face d'Allah ni recherché que la parole d'Allah soit la plus élevée. إِنَّمَا أَرَادَ بِذَلِكَ نَفْسَهُ. Il n'a fait cela que pour sa propre personne. C'est pour lui-même. Il a cherché du bien que pour lui-même. وَحَبَّ أَنْ يَعْلُوَ صَيْتُهُ. Et que son nom soit élevé et qu'on parle en lui en bien. وَيَشْتَهِرَ بَيْنَ النَّاسِ بِالْبُطُولَ وَالشَّجَاعَ وَالْإِقْدَامِ. Et que soit répandu auprès des gens que c'est un homme c'est héroïque, courageux, et qui va de l'avant. وَقَدْ حَصَلَ ذَلِكَ فَكَانَ جَزَاؤُهُ فِي الدُّنْيَا. Et il a eu ce qu'il voulait. Ce qu'il a recherché, il l'a eu, et c'était sa récompense, sa rétribution dans ce bas monde. Donc la récompense recherchée, il l'a eu. Amma fil akhira, fa kana jazaohu an yufdah wa tukshafa sariratu thumma yuqdhafa fi an-nar. Mais dans l'au-delà, sa rétribution est, sa récompense est qu'il soit humilié et qu'on découvre ce secret caché en lui aux gens, puis qu'il soit jeté dans le feu de l'enfer. Il était versé maintenant ? وأما العالم فلم يطلب العلم لله ليتفقه في دينه ويعلم ما يحب ما يجب لله ولكتابه ولرسوله وللناس فيؤديه. Et le savant, celui qui a le savoir, il n'a pas recherché le savoir, étudié le savoir pour comprendre sa religion et savoir quels sont ses devoirs envers Allah, son livre, son messager et les gens pour s'en acquitter. وَلَمْ يُعَلِّمِ النَّاسِ لِوَجْهِ اللَّهِ يَرْجُو ثَوَابَ نَشْرِ الْعِلْمِ وَالدَّعْوَةِ إِلَى اللَّهِ. Et il n'a pas enseigné aux gens pour la face d'Allah. Ce n'était pas un acte sincère pour Allah, espérant la récompense de la propagation et de la diffusion du savoir et du prêche à Allah. Innama liyuqal fulanun alim wa fulanun allamatu zaman wa hafidhul waqt wa qari'ul ummah mais plutôt ce qu'il a recherché, c'est qu'on dise de lui qu'il est un savant, qu'il est le plus grand savant de l'époque et celui qui mémorise la sommité de la mémorisation de l'époque est le lecteur de la communauté. فَكَانَ جَزَاؤُهُ أَنْ تُفْضَحَ نَوَايَاهُ وَيُهْتَكَ سِتْرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جَزَاءَ سُوءِ قَصْدِهِ ثُمَّ يُلْقَى فِي النَّارِ. Donc sa rétribution à cette personne, c'est qu'il soit humilié et qu'on découvre aux gens le jour dernier quelles étaient ses intentions. Et pour cette mauvaise intention qu'il avait, objectivité qu'il avait, c'est qu'au final il sera jeté dans le feu de l'enfer. Donc attention, chacun il a l'intention qu'il a lorsqu'il apprend. Il y a les gens sincères qui apprennent pour Allah Azza wa Jal, pour être sur une clairvoyance. Et ce qu'ils ont acquis, ils essayent de le partager comme ils le peuvent selon leurs moyens et leurs capacités et selon leur niveau. Et à chacun son stade. Puis, derrière, il y a des gens qui apprennent pour embêter les gens. C'est pour mettre les gens en déroute. Ils les mettent en déroute, mais avec du savoir. L'égarement n'est pas toujours accompagné de l'ignorance. Combien Allah les a égarés sur une science. Comme les ulama, lorsqu'ils parlent de certains, ils disent « Adallahu Allahu ala ilm ». Allah, il l'a égaré sur une science. Il a de la science, mais il est dans l'égarement. C'est pour cela que lorsqu'il y a des gens égarés, ne considérez pas ou ne croyez pas que c'est quelqu'un qui n'a pas de science. Non, il se peut. Et à la base, les gens sont déroutés parce qu'ils ignorent. Mais il y en a mal intentionnés. Ils sont en déroute et ils mènent les gens avec eux en déroute. Wal'iyadu billah. Et avec une science, pourquoi ? Pour polémiquer, pour embêter les gens, pour leur faire perdre leur temps. Des fois, des gens discutent. Toi, tu penses qu'il ne sait pas. Il sait déjà ce que tu vas lui ramener comme science. Il sait déjà ce que tu vas lui rapporter. Toi, tu penses qu'il en a besoin. Ah, il me faut une audio dans tel domaine. Il me faut un livre qui parle de tel sujet pour une telle personne. Lui, il est en train de se moquer de toi. Il le sait déjà ce que tu vas lui ramener comme livre et comme audio. Allah, il l'a égaré. C'est pour ça qu'il ne faut pas... De vouloir le bien pour les gens, c'est une chose. Mais de croire qu'il faut que tu passes toute ta vie à t'occuper de telle personne, ça c'est faux. Il faut savoir continuer son chemin. Des gens essaient de vous traîner et de vous sortir du droit chemin, d'une manière ou d'une autre. Donc ne croyez pas que vous êtes responsable des gens. Ça c'est faux. C'est faux de croire que vous êtes responsable. Il y a des termes, on peut les comprendre d'une manière ou d'une autre. Et on vous culpabilise. Pensez déjà à votre propre personne et à sauver votre âme. Puis, sauvez ce que vous pouvez. Mais sans vous imposer une charge au-dessus de vos capacités. Il y en a qui disent par exemple, « Ah, mais j'y arrive pas, tu arrives pas à faire quoi ?» Une chose qu'Allah ne lui a pas imposée. C'est lui-même qui se l'a imposée. Subhanallah. Donc c'est lui-même qui se met dans des situations qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne lui a pas demandé. Donc, chacun son rôle. À ton stade, sache quels sont, qu'est-ce qui t'est demandé à toi. Et de prendre un rôle qui n'est pas le tien, c'est grave. C'est pour cela que le bien intentionné qui agit avec ignorance, il fait plus du mal que du bien. Et il détruit plus qu'il ne construit. Il y a beaucoup de gens bien intentionnés. On voit cela un peu par-ci par-là dans les réseaux sociaux. Lorsque l'islam est attaqué, tout le monde veut parler, tout le monde veut répondre. Ça, c'est ceux qui ont déjà agi. Et sont bien plus nombreux ceux qui voudraient aussi faire la même chose. Non. Laissons des gens précis, compétents, le faire. Parfois, s'il n'y a pas de réponse, parce que parfois il y a des situations où mieux vaut même pas répondre. Il y a des gens, pour les combattre, de quelle manière ? C'est de ne pas les calculer, de ne pas leur répondre. de marcher comme s'il n'existait pas. Tu ne peux pas t'arrêter à chaque personne. Tu ne peux pas répondre à toutes les personnes. Ce n'est pas possible, subhanallah. Et d'être derrière toute parole qui va être dite, ce n'est pas possible. Les gens parlent et ils parleront. Et plein de gens ne cherchent pas la vérité, mais ils cherchent la polémique. Et toi, tu vas venir bien attentionné et tu tombes dans le piège. C'est pour cela qu'on entend beaucoup les gens dire, ils sont les ulama, les savants. Pourquoi les savants, ils ne parlent pas? Premièrement, c'est une phrase qui est fausse. Parce que le savant, lorsqu'il parle, si tu n'es pas présent, tu ne peux pas le savoir. Donc comment tu le sais qu'il n'a pas parlé? Subhanallah. Mais pourquoi il n'a pas conseillé? Comment tu le sais? Il est entré dans une pièce, il a conseillé le roi, le président, le maire, le ministre, qui vous voulez. Il l'a conseillé, il est sorti. Il doit appeler les caméras et donner, faire un compte-rendu au public. Mais ses œuvres, elles sont où alors? On en est dedans. Parce que les gens pensent que, ah non, mais lui, il conseille. Qui? Celui que tout ce qu'il fait, il le montre et il le dit. Qu'il l'ait fait d'une bonne manière ou d'une mauvaise manière, mais il le divulgue et le montre. Lorsqu'on étudie cela, on comprend qu'en fin de compte, hein, qui a bien compris, qui n'a pas bien compris. Subhanallah. Puis, là où les savants, les bons savants, les savants de la droiture, de la sunna, là où eux, ils se sont tus. Toi, tu dis, normalement, il faudrait parler. Il est où le problème? Hein? Quelle est l'opinion à remettre en cause? En premier lieu, c'est celle de l'ignorant. Ah non. Si moi, je crois qu'il faut parler, c'est mon ignorance qui me fait dire ça. Lui, il sait pourquoi il faut se taire. Et ce n'est pas toute situation qu'il faut parler, subhanallah. Il y a plein de règles que les gens ignorent. Regardez combien de gens participent à la propagation des rumeurs, n'est-ce pas? Combien? Plein! Plein de gens. À la fin, il dit quoi? Ah, mais j'avais une bonne intention. Hein? Ah, j'ai pas fait exprès. Je me suis précipité. Tu as participé. Alors que le prophète, sallam, il dit, il suffit à une personne d'être menteur, de répéter tout ce qu'il entend. Et ce n'est pas parce que, au final, on va voir que c'est une vérité, que tu dis, bah, tu vois, c'était vrai. Oui, au moment que tu l'as fait, c'était une rumeur. Subhanallah. Puis, est-ce que toute vérité est bonne à dire en tout moment et en tout lieu? Il n'y a qu'un fou pour penser ça. Une personne sensée, non. Ce n'est pas aussi. Tout ce qui me traverse l'esprit, je dois le dire. Subhanallah. Les gens doivent faire attention. C'est vrai qu'on a des fourmis au doigt, on a envie de toucher le clavier. La langue, elle a envie de parler. Mais n'est-ce pas que l'islam nous enseigne que parmi les causes qui font le plus entrer dans le feu de l'enfer, il y a la langue. Il faut méditer là-dessus. Il faut méditer là-dessus. Donc il faut faire attention. Et le savoir véritable, c'est celui qui t'amène à la crainte d'Allah. C'est celui au final qui t'apprend la crainte d'Allah. C'est celui au final qui t'apprend qu'en fin de compte, tu ne connais rien. Que tu ignores plus que tu ne sais. Ça, c'est le véritable savoir. Voilà la finalité où elle t'a mené. Un savoir que tu ne pratiques pas. C'est une preuve et un argument contre toi. Donc le fait de dire, mais tu as vu un tel. Il y a des gens, ils sont attirés que par la mémorisation d'une personne. Mais tu as vu ce qu'il mémorise. Mais tu as vu ce qu'il connaît. Elle est où la pratique? Il pratique ce qu'il sait. Comme ce savant enseignant de hadith qui des étudiants viennent lui demander des hadiths. Et il leur a dit un jour, je préfère vous donner de l'argent lorsque vous venez que vous enseignez des hadiths. Eux, ils ont dit quoi? Ben non, maître, on préfère que tu nous donnes des hadiths que de l'argent. Il leur a répondu quoi? Si vous pratiquiez tous les hadiths que je vous ai enseignés et que vous avez appris, vous n'auriez même pas le temps de venir m'en demander un autre. C'est un problème. Subhanallah. Et parmi les ulama, les imams de la sunna, ils disent, nous mémorisions une aide pour mémoriser les hadiths, c'était de les pratiquer. Ça nous aidait à garder les hadiths du prophète, alayhi salatu wassalam. Donc, beaucoup de gens ils ont peut-être, ils mémorisent, ils connaissent. Mais le fruit, il est où? Le fruit, il est où? Lorsque vous voyez l'apprentissage des compagnons, qui sont les meilleurs des hommes après les prophètes, lorsqu'ils disent, nous ne dépassions pas 10 versets coraniques, jusqu'à les mémoriser, les assimiler et les pratiquer. C'est-à-dire que eux, lorsqu'ils connaissaient, mémorisaient, ils en avaient la connaissance. Ils savaient la science qui était demandée dans ce texte. Et ils le pratiquaient. Ce n'est pas la quantité. La quantité. Plus tard, les gens, ils ont la quantité. Mais la qualité, voilà. Et les premiers, ils avaient la qualité. C'est comme dans la parole. Les premiers parlaient peu, mais il y avait beaucoup de bénédictions. Ceux après qui sont venus, ils parlaient beaucoup avec moins de bénédictions. Et les premiers, les salafs, lorsqu'ils parlaient, c'était sur une science. Lorsqu'ils se taisaient, c'était sur une science. Tout ça, c'est un apprentissage. Et maintenant, les gens, ils disent clairement ce qu'ils pensent. Il y en a. Il y en a. Allah al-Musta'an. Ils ont une idée. Quoi que tu leur ramènes, voilà, c'est déjà fait. Les ulama nous enseignent qu'on a les textes, la révélation, et de cette révélation, on a un savoir. On a des convictions, des croyances, de la pratique. Il y en a ? Non. Ils ont déjà une conviction qui est déjà là. Puis, ils vont chercher dans les textes tout ce qui pourrait appuyer cette conviction. Le cheminement n'est pas bon. La façon de faire, elle n'est pas bonne. Elle est contraire. Et c'est pour cela qu'ils en arrivent à faire dire au texte ce qu'ils ne disent pas. Wa amma sahibul mal فلم يشكر الله الذي أسبغ عليه تلك النعم ولم يكن من الذين قال فيهم والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم ولم يدرك أن المال مال الله استخلفه فيه لينظر كيف يعمل لذلك فهو لا يريد بما ينفقه وجه الله ولا يعرف طريقا إلى الإخلاص لوجه الله إنما يريد أن يتغنى الناس بمجده ويلهج الشعراء بمدحه وأن يطير في الناس أخبار جوده وسخائه فكان له ذلك ونال ما قصده في الحياة الدنيا وأما الآخرة التي لم يردها فإن جزاءه فيها أن الحساب الدقيق والجزاء العادل والملائكة الغلاظ الشداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون تنتظره ليسحب على وجهه ثم يقذف في النار. Et l'autre personne, celui qui possède la richesse, qui possède l'argent et les biens, qui n'a pas été reconnaissant envers Allah, qui n'a pas remercié Allah comme il se le doit avec ses bienfaits qu'Allah lui a octroyés. Et aussi, il ne fait pas partie de ceux qu'Allah a dit sur eux dans le sens du verset. Et ceux qui savent, qui reconnaissent qu'il y a un droit dans ce qu'Allah leur a octroyé, donné comme richesse pour le mendiant et celui qui a été privé, c'est-à-dire qui a été privé de richesse. Celui-là a oublié ou ne sait pas ou ignore que l'argent qu'il a, qu'il possède, c'est la richesse d'Allah Azza wa Jal et qu'Allah lui a mis entre ses mains pour voir comment il va agir. Donc, lui, dans ses dépenses, il n'a pas recherché la face d'Allah. Il n'a pas cherché un chemin de sincérité pour la face d'Allah, mais seulement pour que les gens chantent ses éloges et que les poètes font des poèmes de sur ses actions, sa bienfaisance et ses dépenses. Et que ce qui se dit de lui soit propagé chez les gens, comme quoi il était généreux, dépensier, dans le bien. Donc, dans ce bas monde, il a gagné sa récompense. Il a eu ce qu'il recherchait, ce qu'il voulait. Un danger aussi, dans certains endroits, des mosquées ou des associations, là, pour des œuvres de bienfaisance, où il demande aux gens de dépenser, de participer, de contribuer pour une mosquée, pour une école, pour plein de projets. Taïb, laissez les gens dépenser tranquillement. Non, un tel, il a donné. Attends. Et on s'arrête sur lui. Et on montre ce qu'il a donné. Et la personne, elle oublie que sa sincérité, si jamais elle était là au début, elle est en danger. Elle est en danger. Et il y a même des gens, ils veulent qu'on sache qu'ils ont dépensé. Et combien ils ont donné. Subhanallah. Donc, non seulement lui, il est en danger, mais en plus de cela, des gens qui ramassent ne l'aident pas. Ils ne lui rendent pas service en réalité. Ils lui rendent un service, mais qui n'est pas un service qui est bénéfique pour l'au-delà. Ils lui rendent un service, ils lui font plaisir. Hein? Tu vas voir, donne, t'as donné tant. Tu vois, on va parler de toi, on va parler de ta dépense, et on va citer ce que tu as fait. Et la personne, elle est joyeuse, elle est heureuse. Voilà, donc il gagne ce qu'il a recherché. C'est grave. Ah, c'est dangereux. Attention à cette façon de faire. Laissez les gens. N'est-ce pas que parmi les sept, ça c'est un portable ça. Hein, c'est pas de l'eau qui coule, hein, c'est un portable. Donc, parmi les sept qui seront sous l'ombre d'Allah Azza wa Jal, un homme qui, dont la main droite donne sans que la main gauche ne sait. Subhanallah, lui-même il ne sait même pas. Il met sa main, il a donné, il est parti, lui-même il ne sait même pas. Il est sous l'ombre d'Allah Azza wa Jal. C'est pour nous montrer le degré. Le degré. Donc, il faut faire attention. Et même faire les éloges d'une personne en sa présence, même on, c'est que de la vérité qu'on a dit de lui, et on ne lui rend pas service. Et parce que l'être humain, il aime entendre des choses bien sur lui. Donc, cette fierté, elle peut l'amener à sa perte. Donc, il ne faut pas. On lui brise le dos en réalité. On lui fait du mal là où lui, il croit qu'on lui fait du bien. Donc, mais dans l'au-delà, qu'il n'a pas recherché, il n'attendait rien à la base de l'au-delà, il n'attendait que des choses de ce bas monde. Donc là, ce jour-là, dans l'au-delà, il aura un jugement qui sera précis. Et il aura une justice. Et face à lui, des anges qui l'attendent. Les anges du châtiment, des grands anges durs qui ne désobéissent jamais à Allah lorsqu'il leur ordonne une chose et ils ne font qu'accomplir ce qu'Allah leur ordonne. Eux, ils l'attendent pour le prendre et le traîner sur son ventre et son visage pour le jeter dans le feu de l'enfer, qu'Allah nous en préserve. وَإِنَّ فِي هَذَا لَعِبْرَةٌ عَظِيمَةٌ وَعِظَةٌ بَالِغَةٌ لِلْمُجَاهِدِينَ وَالْعُلَمَاءِ وَالْأَثْلِيَاءِ الْمُنْفِقِينَ. Donc dans ce récit, il y a une exhortation énorme, une exhortation touchante pour ceux qui combattent dans le sentier d'Allah, pour ceux qui ont le savoir, pour ceux qui ont la richesse et qui dépensent. عَلَّهُمْ يَتَّعِظُونَ. Hein? Donc il se peut il y a forte chance qu'ils soient touchés par cette exhortation, qu'ils vont réfléchir à leurs actions. فَيُخْلِصُونَ أَعْمَالَهُمْ لِلَّهِ فَيَظْفَرُونَ بِوَعْدِ اللَّهِ وَيَنْجُونَ مِنْ عِقَابِ اللَّهِ النَّازِلِ بِالْمُرَائِينَ وَالْمُنَافِقِينَ. Et donc, ils vont se rattraper et ils vont agir avec sincérité dans leurs œuvres pour Allah. Ils vont gagner la promesse d'Allah. Ils seront épargnés du châtiment d'Allah qui touchera ceux qui font de l'ostentation, qui œuvrent pour qu'on parle d'eux en bien, qui œuvrent pour qu'on regarde, on les voit œuvrer et qu'on en pense du bien et qu'on leur fait les éloges. Et aussi les hypocrites qui, eux, déjà à la base, ils font ce qu'ils ne croient pas. Ils agissent d'une manière alors qu'au fond, ils n'y croient pas. Ils n'ont pas la croyance. Ils font apparaître l'islam. Et toutes ces catégories de gens sont voués au feu de l'enfer. Qu'Allah nous en préserve. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu ala Muhammadin. وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.